Vous écoutez Radio Gaillac. Faya, faya, maman. Toute la musique de la Caraïbe. Dans vos oreilles. Nous avons fait un mot sur la samba. Va mettre un bougamouin même mot. Bien bonjour tout le monde. Bien bonjour, madame, bonjour. Bien bonjour. Chopeli Bangali Monté. Céleste. Adi Mouna Gonye les mains. Bien bonjour. Adi Mouna Bapé les mains. Bien bonjour. Adi Mouna Gonye les mains. Bien bonjour. Adi Mouna Gonye les mains. Bien bonjour. Si ça veut la mi-dans les. Bien bonjour. Si ça compte la mi-dans les. Bien bonjour. Si les gosses à m'embrise, bien bonjour. En arrivant, voté dans les. Chopeli Bangali Monté. Mata la bode li walte Dabouye konye kala Dabouye konye kala Chopeli bagali molote Mata la bode li walte Bili jini majoli kalaplan Doki la dandali yo Dale yo, dale yo, dale yo mama Dale yo, dale yo, dale yo, dale yo mama Dale yo, veli bagali monte Mata la bode li walke Bili jini majoli kalaplan Majani Galablan, Billy Jini Majani Walke, Siza Valami Tiren, Siza Madame Tiren, Siza Valkobello, Siza Valami Plate, Siza Valami Renoir, Siza Valami Bertrand, Siza Valami Achille, Diligo Saman Brise. Céleste, bon matin là aussi nous connais les plateaux là, Simon Céleste du parti PCG, membre du bureau politique. Et aussi, c'est monsieur Fouette Sablon qui a animé l'émission là, et moi même technique, qui a travaillé au force là aussi. Et puis nous avons resté branchés à partir de 11h, il y aura un appel à dans l'émission. Alors ça nous avons resté branchés à Gaillac FM, pour entendre ça qui a passé, mais au souhait là, vous pouvez trouver Clayton Maltiltop, une émission Maltiltop au souhait là, Clayton par là au souhait là. Alors qu'est-ce qu'il y a qui l'a dimanche prochain? Alors nous avons fait un bel force aussi, et M. Clayton qui a porté mon œuvre aussi. Alors, non, nous allons continuer, nous allons voir mon sur la salle pour le Justin Villapin. Aïe, ben, les amis, hein, Radio Gaillac, c'est Radio, nous ne devons pas oublier ça. Partagez ça, nous allons faire, nous allons dire bien bonjour à tout le monde qui a écouté nous. Nous allons voir un petit morceau, bah, monsieur, gnoc, côté Saint-Anne, lié pour garçon, aïe. Gouvernement là, Jo Mimi. On va aller à Saint-Laurent. On va aller à Saint-Laurent, poisson Laurent, que manger moi, aïe, aïe, aïe. C'est moi mon téloa, piranha ça qui mange moi tout bonnement. Gouvernement là, moi pas calé à Saint-Laurent. Délevé au bon matin, car ouvert mes portes en moi. Nous c'est pas que vini rivé, il faut ton papier ben moi. Envoie moi les papier là, mais t'as fait du moins. Faut moi aller à la caserne, en moi l'auto coupé ma haut. M'en rivé à Digonier, moi rentré en caserne là. Yo ban moi papier en moi, yo mène moi à la visite. Visite gade en moi, yo dis moi qu'a gade bien. Visite tande en moi, yo dis moi qu'a tande bien. Tout ça yo visite si moi, yo dis moi parfait d'état. En ou tourne à ta maman, raconte maman moi ça. Maman moi mette ka ele, yo kai point petit alien dit dans l'armée. Papier ben moi, pour la saison télégramme, télégramme la cas du moins, faut retourner de toute urgence, en point l'auto coupé ma haut, en retourner à la caserne, c'est mais c'est là du moins qu'on ça, en calé point l'avion, menez-moi monter rezé, envoie-moi river rezé, battez-moi à bord danger, ou voyez-moi à Saint-Laurent, danger fini décoller, atterri à Rochambeau, à mon river à Rochambeau. Menez-moi mon temps, dit dans Saint-Laurent. Gouvernement là, on va aller à Saint-Laurent. On va aller à Saint-Laurent, poisson Laurent, qui mange moi, aïe aïe aïe. Gouvernement là, on va aller à Saint-Laurent. Arrivé à Saint-Laurent, yo menez-moi à la caserne. Yo dis-moi, mi chaman moi. Yo dis-moi, mi couche en moi. Yo ban moi, partage en moi. Yo ban body yo en moi. Mais si arrêtez, si c'est, y'en mettez-moi qu'à réfléchir. Dès qu'à moi qu'à réfléchir, ça moi t'en dit de Saint-Laurent. En dis-moi, pécurité, moi y'a voir mon capitaine. Capitaine n'est pas là, moi y'a allé au colonel. Toto, toto, toto, bonjour, colonel, bonjour. Bonjour, mon soldat, bonjour. Soldat, que désirez-vous? En dis colonel, ben moi parler. Écoutez ça, moi t'as dit. C'est ça le garçon à maman, moi. Dernier petite maman Tini. S'envoyez-moi monter Laurent. Moi vais pas arrêter Laurent, si moi y aller à Savannah, grâce à Ola, qui pique moi, moi qui mort. Gouvernement là, moi pas aller à Saint-Laurent. Pas laisser moi à Saint-Laurent, piranha, ça qui mange moi, aïe aïe aïe. Gouvernement là, moi pas aller à Saint-Laurent. Colonel, dis-moi comme ça, mon soldat n'ayez pas peur. En dit colonel, écoutez-moi bien, en jali, il va zot là, si des mêmes allaient arriver. On savait ça, j'ai fait, j'ai téléphoné maman, pour raconter si je bois ça. J'ai voyé médaille Bali, j'ai voyé décoration. On les a envoyé médaille pour lui, on les a envoyé décoration. Baquez moi à bon danger, voyez moi vous tournez pendant y bonnet. Gouvernement là, faut pas caler à Saint-Laurent. Maman, moi pas besoin médaille, voyez moi vous tournez à ta maman. Gouvernement là, faut pas blague piqué moi aïe aïe aïe. Ben les amis, et ben nous là tranquillement, musique à descendre, gouvernement te voyait ba mon côté Saint-Anne, nous quand il fait comme si vous n'allez le grand responsable, que dit le grand patron de Gaïa qui parle. Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le patron. Bonjour GLD, mais GLD, attention, à part patron, c'est un travailleur qui est toujours resté un travailleur. Oui, moi encore aussi, mais quand respecter l'engagement. Alors ce que je veux dire, GLD, c'est que. Celui qui fait la radio, c'est pas ce qu'on appelle le patron ou quoi que ce soit, c'est celui qui travaille et qui fait les émissions. C'est lui qui fait la radio. Oui, donc, je te comprends. Je te comprends. C'est d'abord lui que les gens écoutent. Après, il faut d'autres personnes derrière. Voilà. Mais bon, oui, ceci étant dit, Aka dit bonjour à tous les auditeurs Radio Gaillac. Nous, quand on travaille pour essayer, bon ben, améliorer les choses. Et là, à la rentrée septembre, bon, ben, nous essayons, nous pas que nous essayons, mais nous faisons démarrer avec des nouveaux programmes, un nouveau style, etc. Elles ont bien sûr les mêmes animateurs, JLD et les restes. Et c'est ça nous que je disons. Alors, en deux minutes encore, en radio associative, sans radio, commander à l'eau l'argent, commander à l'eau et comment dirais-je, moon, parce que c'est des bénévoles qui travaillent sur la radio-là, ils n'ont pas payé. Donc, nous demandons des autres un coup de main aussi au niveau de des auditeurs de Radio Gaillac parce que pour nous acheter des nouveaux matériels, les choses qui ont évolué, ils ont obligé de nous passer en radio numérique, enfin des vidéos comme ça. Donc, nous avons l'occasion de solliciter des autres pour nous un coup de main pour que Radio Lab, puisque nous pas considéré que Radio Gaillac, c'est radio en nous tous. Voilà, yes. Ça, c'est JLD. Je te remercie. Eh bien, je te remercie, Fossi Etat, qu'on t'y pas crié au monsieur, et puis nous allons merci en pile, et nous allons travailler là qu'on continue. Tout à fait. Non, si vous criez monsieur, à quelques jours après, appelons monsieur JLD, et quand il fait trois mots, que nous allons ajouter à nous. Par contre, on ne veut pas être monsieur. Allez, à tout à l'heure, continuez. Merci en pile, prudence. Il n'y a pas de quoi. Allez, bye bye. Et commandez au Dupé Radio Gaillac d'écouter l'émission là qui est venue après là. C'est important. Le dimanche, je vous dis très belle émission. En émission musicale, tradition, nous, Boca. Et puis, en émission politique du Parti communiste. C'est bien. Merci beaucoup, surtout prudence. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, il disait pile, eh bien, quand il m'a dit, nous avons clôturé, mais nous, là, quand même, parce que là, mon frère, c'était fait technique, frère, nous, collègues, nous, eh bien, qui dit, nous, en famille à Radio Gaillac. Enfin, quand pensez tout auditeur, auditrice, les Facebookiens, Facebookiennes qui écoutaient, quand la direction dit, eh bien, c'est ça, toujours, quand ils ont une publicité à faire passer, pas ni bon problème, entrer en contact avec la direction. Pour faire publicité là, passer bas autres, parce qu'elles sont mecs à l'avant d'autres mains. Et quand ils ont aussi, eh ben, mois de septembre aussi, les programmes qui ont commencé aussi, les programmes qui ont évolué, tu vois, plus aussi. Mais, à dans ça, faire un coup de main pour peut avancer, parce que nous, on sont association, qu'on toute association, hein, toutes les, n'y a pas radio associative. C'est ça, il y a quoi faire aussi, pour y avancer, c'est avec des mains à peu près, c'est des auditeurs, auditrices aussi, qui ont participé à dans des émissions qui ont fait, qui ont porté en force, bah, radio là. Pour radio là, et tu vois, plus loin, autres même aussi, quand tu veux radio là, en cas publicité, à ce que tu veux passer, tu savais, tu as un coup de bouquet, tu as un coup de cheval, tu as un coup de mille, tu as un coup de monde, pas ça, un coup de kibitin, mais tu savais, Radio Gaillac là, pour faire ça passer, bah, autres, mais son main, quand même, d'autres mains, portez force à nous pas appeler, bah, pour mon quand même, mais nous quoi demander force ça, parce que son radio associatif, quand toute association qui n'est adhérent, parce que nous, l'association, quoi, nous, on y a association Cabri Tigon, on y a association Abbé Tigon, on y a association à Chouval, une association à Cap Coui, une association à toute qualité bien qui tient, eh bien, association pas qu'à marcher sans mettre un sac vide de bout. Et puis, il reste de bout, il faut mettre un habitat et rester de bout. Alors, les amis, continuons, nous y va terme à émission, nous y va terme à émission en nous, à Gouka, nous allons clôturer et nous allons rester mis là comme ça, nous allons clôturer, nous allons dire merci, merci à tout le monde qui écoute émission. Émission Gouka là, nous allons attendre les arrivants. Nous connaissons Monsieur Céleste. Nous connaissons Monsieur Fouette Sablon qui animateur et moi-même. Et nous allons rester branchés Radio Gaillac. Nous allons faire un micro et Gouka là pour dimanche prochain. Nous allons partir nous là, hein, papa. Nous sommes là, bon matin, là, tranquillement, gentiment. À la émission Parole du Bout. Eh bien, monsieur Christian, c'est bien Simon Céleste. Simon Céleste. Monsieur Simon Céleste, qu'on m'a invité. Eh bien, monsieur Fouette Sablon, hein, qui a animé, hein, qui a choqué 10 filles là, pour voir si 10 filles là, reprend. C'est qui a choqué, hein, c'est qui a choqué 10 filles là. Pas JLD, c'est lui qui a choqué. Et en cas, il faut cela, à niveau de téléphone là, et technique là. C'est configuré l'été. De la Médina, et puis, Allemagne, la gueule de tout le monde ensemble. On va y aller la reine pour la demi-gonne, non. Moi, c'est ma lutte, je vous ai dit croisé. C'est croisé la main à bout de place. Présenter la première. La première à notre pouvoir. Et danser, manier la reine avec ses volants. Et les voilà, même division, maman. Un, deux, trois, à la manière, bon. On manier la reine des coins de l'aîné. Allez, pour la promenade pour mêler. On manier la reine pour la reine du non. Gagner la reine avec ses boulards. Mais les voilà, même division, maman. Un, deux, trois. À la manière, non. On va y aller la reine des croix et les nez. Vas-y, un boulard, promenade pour mener. On va y aller la reine, boulard et tunnel, non. Avant les mi-bas. Narcisse Boucau, on se cadre à faire changer les mamies, les mamans. Ça belle tout bolement. Oh là là. Voyez la reine avec ses boulas. Et des voilà même division, mon gars. Un, deux, trois. À la manière, encore. On voyait la reine des croix et les dés. On voyait pour la promenade pour mener. On voyait la reine pour la redonner, non. Gustave et Luana. Monsieur Di Gustave. Et oui, les amis, vous allez retrouver Monsieur Simon, Monsieur Chris Simon Céleste, invité de Radio Gaillac ce matin. Et animateur Monsieur Fouad Sablon. Restez connectés, restez connectés. Restez branchés sur le 99.847. Vous écoutez Radio Gaillac. Faya, faya, maman. Toute la musique de la Caraïbe. Râlez, j'en fais comme merci, me fais ça. Dans vos oreilles.